J'ai commencé à rapper avec Flag et Complex. Nous étions le 9-1 corps d'élite. En 2001, j'ai rejoint le Fuck That. Après quelques maxi, quelques concerts et puis un album en 2003. Je ne regrette rien, big up à tout le Fuck That. En 2006 est sorti mon premier projet solo, Apotrache, mon rap. Aujourd'hui, je te présente Encre Noire. Après un quart de siècle de galère, je te chante la vie sans effets spéciaux, Hervé. J'ai atterri aux épinettes via le chantier du coq. Je me rappelle que je kiffais la musique et le sport. J'ai grandi dans le hall sans la présence d'un homme. Maman nous a élevés aux 23 rues de l'Orge. Je marche avec Flag, je marche avec Complex. On squattait dans le parc, on ne faisait rien de concret à part quelques meubles de 3 concerts. VR nous a donné goût à la musique, nous a porté conseil. Bien sûr que j'aimais l'école, j'aimais surtout la rue. Parce que la rue te fascine, et t'en fous plein la vue. C'est là que se trouve la thune, quand t'aimes les belles baskets, les belles sapes, les belles femmes, les belles voitures. Mon amour de la musique et de la nuit entre autres ont eu raison de l'école, Julie c'est un fantôme. Quand les besoins d'argent se font de plus en plus grands, mais comment faire de l'oseille sans mettre les gants. Je kiffais grave B.I.G. et Redman. J'ai livré des pizzas au lieu de vendre des Red Bar. J'étais un jeune homme de 17 ans avec les problèmes d'un homme de 50 ans. Je te jure qu'à force, à force de faire le dingue en France, j'ai fini à Rifleux, au bâtiment des deux, les larmes au bord des yeux. C'est donc ça le trophée de l'enfant haineux, Hervé. Je suis jeune, français, d'origine étrangère. Je vis dans une banlieue, je reste noir et fier. On a souffert en silence, comment tu veux je m'en sorte en France. H-E-R-V. Je suis jeune, français, d'origine étrangère. Je vis dans une banlieue, je reste noir et fier. On a souffert en silence, comment tu veux je m'en sorte en France. Je suis sorti de Rifleux, une clope à la bouche. Depuis ce jour, je fume comme Gainsbourg et je bois comme un trou. J'ai découvert mon côté sombre dans un gouffre. Normalement, quand tu bois, soit t'es joyeux ou soit t'es profondément triste. Et quand je regarde ma vie, mon encre ne peut s'empêcher d'être noire. C'est l'histoire d'un esclave qui rêvait d'être roi. Première voiture, premier feu rouge, première bavure. Les PV s'accumulent et le permis s'annule. Trop souvent défoncé, j'ai frôlé le SAMU. Peut-être que la musique est mon seul salut. Peut-être, qui sait. J'ai pris mon indépendance avec la peur au ventre. Oui c'est vrai que la galère m'a frappé dans le centre. Oui c'est vrai, j'ai volé pour manger, j'ai menti pour coucher. Et en parlant de sexe, avec les femmes, ça a toujours été compliqué. Quand elles m'aimaient, j'en avais rien à foutre. Bien sûr, quand je les aimais, elles s'en battaient les couilles. Je n'ai donc jamais connu la magie de l'amour. Chérie, je n'ai que mon cœur sans machine à sous. Infidèle, possessif, jaloux. Hein? Comment tu veux que je m'en sorte en France? Je suis jeune, français, d'origine étrangère. Je vis dans une banlieue, je reste noir et fier. On a souffert en silence, comment tu veux que je m'en sorte en France? H-E-R-V. Je suis jeune, français, d'origine étrangère. Je vis dans une banlieue, je reste noir et fier. On a souffert en silence, comment tu veux que je m'en sorte en France? H-E-R-V. Nous ne sommes pas les plus riches, mais nous ne sommes pas les plus anciens non plus. Banlieusard, je l'aime la vie. J'espère juste trouver mon chemin. Trouver mon chemin. Trouver mon chemin.